Donc c'est bien beau désirer un cœur pur, très bien, mais comment faire? Comment faire? Je vous propose 4 petits moyens pour désirer et obtenir ce cœur pur. Un premier moyen nous est donné par la deuxième lecture. Il nous dit, dans la deuxième lecture, « Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'appliquer. » Le premier remède pour avoir un cœur pur, c'est, au fond, d'écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous purifie. Elle est comme un couteau, comme un scalpel qui vient retrancher toutes les impuretés de notre être et qui vient nous présenter la lumière de Dieu et qui donc chasse les ténèbres de notre cœur. Donc, premier moyen, confrontons ce qui habite notre cœur avec la parole de Dieu et demandons que cette lumière tasse les pensées mauvaises de notre cœur. Un deuxième moyen, la louange, la prière de louange. Parce que souvent, un cœur embarrassé, c'est un cœur qui chiale, en fait, un cœur qui se plaint, un cœur qui est lourd, qui a de la rancœur. Eh bien, prenons le taureau par les cornes et apprenons à louer le Seigneur en toutes circonstances. Des chants de louange. Hein, au début de la messe, on a pris le temps de chanter, de se dégager le cœur de toutes nos lourdeurs. Mais je vous invite à écouter des chants de louange, même dans la semaine, ou à chanter. Il y en a sur Internet où vous pouvez acheter des CD, des chants de louange du Seigneur. Ça nous dégage le cœur. Et il y a même le groupe de prière qui s'en vient, qui va commencer bientôt, aux 2 semaines, les mercredis. C'est une occasion de se dégager le cœur avec nos frères et sœurs. Et la louange nous permet de faire des actes de foi. Seigneur, je crois que tu es là, au-delà des nuages de mon quotidien. Le soleil est là, tu es là, Seigneur. Et tu me conduis. Donc, premier moyen pour obtenir une plus grande pureté de cœur, la parole de Dieu. Deuxième moyen, la louange. Troisième moyen, appeler l'Esprit Saint. Parce que c'est ce que le prophète Ézéchiel avait dit, la purification du cœur, ce n'est pas une œuvre humaine. Il avait dit, « Je verserai sur vous une eau pure, de toutes vos souillures je vous purifierai. Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. » Et cette promesse s'accomplit admirablement par l'Esprit Saint. Mais il faut l'inviter encore une fois à chaque matin. Oui, viens, Esprit Saint, viens dégager mon cœur. C'est comme l'eau qui, à force de couler, nettoie le fond de la rivière qui avait été polluée. Plus l'eau coule, plus la rivière se nettoie, finalement. Eh bien, faisons couler l'eau de l'Esprit dans notre cœur pour qu'il nettoie notre cœur. Quatrième moyen qui est à notre portée, et vous, vous êtes chanceux ici, tous les dimanches soirs, vous savez, le sacrement du pardon est là. À notre portée, il y a des prêtres qui confessent. Quand il y en a un qui célèbre, il y en a l'autre qui confesse derrière. Et de 6h à 7h, pendant 1 heure de temps, et plusieurs d'entre vous d'ailleurs y recourent, c'est un moyen génial pour nous décharger, pour nous dégager le cœur, pas juste par nos forces, mais par la parole libératrice et toute puissante de Jésus qui coupe nos liens et qui nous libère. Donc n'hésitez pas à user vos prêtres. Usez-les, de préférence avant la messe par ailleurs. Il y a un temps spécifique, donc de préférence avant la messe, où il y a des moments, différents moments, mais profitez-en. C'est par la puissance du nom de Jésus que Dieu nous dégage le cœur. Donc, parole de Dieu, louange, invoquer l'Esprit Saint à chaque matin et le quatrième, le sacrement du pardon. Je vous donne un bonus. J'avais dit 4, mais je donne un bonus. Le bonus, c'est la Vierge Marie, la toute pure, l'immaculée. La toute pure et l'immaculée. Une personne m'a dit cette année un petit conseil qui lui avait été donné, que je trouve magnifique, à savoir de se confier à la Vierge Marie à chaque matin, faisant tout simplement trois « Je vous salue Marie », tout simplement, et demandant à Marie, avec le premier « Je vous salue Marie », « Donne-moi un cœur pur aujourd'hui, Marie ». Avec le deuxième « Je vous salue Marie », lui dire « Marie, aide-moi donc à être pure en parole aujourd'hui, même dans mes blagues, dans mes commentaires, etc., d'être pure en parole. Mais aujourd'hui, Vierge Marie aussi, aide-moi à être pure en acte. » Ça prend une minute et demie, 30 secondes par « Je vous salue Marie ». Je vous lance le défi cette semaine. Donc, essayez de retenir ces cinq petits moyens, mais peut-être au moins celui de la Vierge Marie et les autres qui sont à votre portée. Et demandons cette grâce, parce que l'enjeu au fond, c'est « Je veux voir Dieu ». Amen.